إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir notre étude de cet ouvrage qui nous expose les préceptes de la Jahiliya, les préceptes pré-islamiques qui ont été abolis par la religion de l'islam. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. Il dit le quatrième précepte, c'est que leur religion, c'est-à-dire la religion des gens de la Jahiliya, était basée sur certains fondements. Le plus immense de ces fondements était le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle. Il dit ensuite, rahimahullah, فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. Et ceci est la base principale de l'ensemble des mécréants, des premiers jusqu'au dernier. كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et nous n'avons pas envoyé avant toi un avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. On voit ici qu'un des préceptes les plus importants parmi les préceptes de la Jahiliya est ce sur quoi les gens de la période pré-islamique basaient leur religion. C'est le fait qu'ils ne se basaient pas sur ce avec quoi venaient les messagers alayhim salatu wassalam. Mais ils basaient leur religion sur des fondements qu'ils ont instaurés et qu'ils ne voulaient pas délaisser. Et parmi ces fondements, le taqlid, le suivi aveugle. Donc tout d'abord, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que le taqlid. Les gens de science ont défini le taqlid comme étant le fait d'accepter la parole d'autrui sans aucune preuve. Ceci est le suivi aveugle. Que tu acceptes la parole d'autrui, la parole d'une personne, sans aucune preuve. Et la preuve, comme on l'a répété à plusieurs reprises, dans de nombreux cours, c'est ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que ce sur quoi ont été unanimes les pieux prédécesseurs de la communauté. Ceci sont les deux bases fondamentales de notre religion. Les textes du Coran et de la Sunna et l'unanimité des gens de science parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Donc quiconque vient avec une parole qui concorde avec les textes ou qui concorde avec l'unanimité, alors nous acceptons sa parole. Et si ce n'est pas le cas, alors nous la rejetons. Et c'est ainsi que tu comprends l'importance pour la personne de rechercher les preuves et d'apprendre la science avec ses preuves. Le musulman, en ce qui concerne les affaires religieuses, il ne doit pas se limiter aux paroles et aux opinions qui sont dénuées de preuves. Car si tu fais cela, tu risques alors de t'opposer dans certains cas au texte du Coran et de la Sunna. Ou alors tu risques de t'opposer à l'unanimité des gens de science. De même que le fait d'accepter les opinions et les paroles prononcées par certaines personnes affiliées à la science, alors qu'elles sont dénuées de preuves, ou que ceux-ci n'en ont pas exposé les preuves. Ceci peut mener à la sanctification de ces hommes qui sont suivis aveuglément. Donc les gens de la Jahiliya, ils avaient emprunté ce chemin. Ils se suivaient aveuglément les uns les autres, ils suivaient aveuglément leurs ancêtres, et ils se détournaient des textes. Ils ne voulaient pas entendre parler, sans même parler d'accepter cette vérité avec laquelle les messagers alayhimu salatu wassalam venaient. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé cela dans de nombreux versets dans le Coran. Et l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ici quelques-uns de ces versets. Donc le premier, c'est celui que l'on vient de lire, dans la traduction des sens rapprochés, et nous n'avons pas envoyé avant toi, c'est-à-dire avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un avertisseur dans une cité, sans que ces gens aisés, les gens aisés, c'est-à-dire les gens fortunés, car de manière générale, les gens fortunés sont touchés par la maladie de l'orgueil, Et cet orgueil, il les empêche d'accepter la vérité. Contrairement aux gens faibles ou aux gens pauvres, qui généralement font preuve d'humilité et acceptent plus facilement la vérité. Donc ceux-là, ces gens aisés, ils ont dit au messager, alayhimus salat wa salam, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est-à-dire qu'ils refusaient le message comme s'ils n'avaient pas besoin des messagers, alayhimus salat wa salam. Ils ont donc refusé de les suivre. Pourquoi? Sous prétexte de suivre leurs ancêtres. Et ceci est le suivi aveugle sur lequel étaient les gens de la Jahiliya. Et malheureusement, on voit que ceci est encore présent aujourd'hui. Et ce, même chez certains musulmans. On n'avait jamais vu certaines personnes, lorsqu'on les conseille au sujet d'une affaire religieuse, d'une erreur qu'ils ont faite, par exemple, dans leur prière, ou pire encore, au sujet de leur croyance, comme par exemple le port d'amulettes ou autre chose encore. Tu leur expliques cela? En leur amenant les preuves, parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou les paroles des savants, sur ce quoi les gens de science sont unanimes. Qu'est-ce qu'il te répond? Oui, mais mon père ne m'a pas appris comme ça. Oui, mais moi, mes parents, ils m'ont appris la prière comme cela. Les gens de mon pays font ainsi, donc je fais comme eux. Et d'autres paroles qu'ils peuvent prononcer, préférant le suivi aveugle à l'acceptation de la vérité. Et ceci ne leur rend rien profitable. Ce qui est obligatoire pour les musulmans, et même pour l'ensemble des gens, c'est de rechercher la vérité avec ses preuves, et de l'accepter une fois qu'elle t'est parvenue. Donc si tu n'as pas les capacités de connaître la vérité avec ses preuves, alors à ce moment-là, ce qui t'incombe, c'est de revenir aux gens de science, d'interroger les savants, mettant ainsi en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fas'alou ahla dhikri » In kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Donc celui qui ne sait pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'interroger les savants. C'est donc ce qui est obligatoire pour celui qui n'a pas les capacités de rechercher la science et qui n'a pas de science pour distinguer entre les vrais et le faux et atteindre les preuves. Il interroge les gens de science et il met en pratique ce qu'ils lui répondent. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala s'il t'a ordonné ici dans ce verset de revenir aux gens de science, c'est pour que tu mettes en pratique leurs paroles. Et ceci est une forme de taqlid qui n'est pas interdite. Au contraire, elle est permise de par la nécessité. Cette nécessité, c'est que la personne n'a pas les outils nécessaires pour atteindre la vérité et distinguer entre les preuves. Alors, elle demande aux gens de science. Et ceci est une nécessité. Comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le taqlid est semblable au fait de manger la chair de la bête morte. Vous savez que la bête morte, celle qui n'a pas été sacrifiée, il n'est pas permis de la manger. Sauf en cas de force majeure, si la personne n'a pas le choix. Qu'elle est sur le point de mourir si elle ne mange pas et qu'elle ne trouve que cela. Alors dans ce cas, il lui est permis de manger de cette bête morte. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit le taqlid c'est la même chose. Si tu as les capacités d'atteindre la preuve, de rechercher la science, d'acquérir les outils qui te permettront de distinguer entre le vrai et le faux, alors ceci est ton obligation. Mais si tu n'en as pas les capacités, alors il t'est permis d'interroger les gens de science et de les suivre. Et ceci est une forme de taqlid qui n'est pas interdite. Et ce qui est interdit dans le taqlid, c'est le fait, par exemple, de se conformer et de se soumettre à l'ensemble des paroles d'un homme parmi les gens de science. Ou alors, de suivre de manière générale et se conformer à une école juridique, en prenant tous les avis qui y sont prononcés dans toute situation, même si ces avis s'opposent à la vérité démontrée par les preuves. Ceci est le taqlid qui est interdit. Et c'est ce que tentent d'instaurer en France certains parmi les gens affiliés à la prédication, en appelant les gens à suivre un madhhab précis, comme par exemple l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et ils prétendent que leur objectif en cela est d'unir les musulmans. Toutefois, on a vu dans le cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas ordonné de suivre une école particulière. Et que ces divergences qu'il y a dans la jurisprudence, il y en a certaines qui ne sont pas admises et dans laquelle il est obligatoire pour nous de revenir à la preuve. Et il y en a certaines qui sont admises et qui ne sont pas source de conflits et de discorde entre les musulmans. Et ce qui va réunir les musulmans, ce n'est pas leur imposer un suivi d'une école juridique particulière. Mais ce qui va réunir les musulmans, c'est de les appeler à ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. On a vu dans le cours dernier que le câble d'Allah, c'est sa religion ou son livre. Donc la religion tout entière, le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, c'est sur cela qu'il faut réunir les gens. Et non pas sur une école juridique particulière. Car la base essentielle sur laquelle les gens doivent être unis, c'est la aqida, celle dans laquelle il n'est pas permis de diverger. Contrairement à certaines questions de fiqh qui sont des questions subsidiaires, qui ne sont pas source de discorde entre les musulmans. Quoi qu'il en soit, il faut retenir ici qu'il n'est pas permis de se conformer de manière totale à une école juridique particulière. Et ce, car cela implique le suivi absolu d'une autre personne que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a donc dit que la personne parmi les gens du commun, ou l'étudiant en sciences débutant, qui n'a pas les outils pour distinguer entre les preuves, pour distinguer entre le faux et la vérité, alors il lui incombe de suivre parmi les gens de science celui qu'il pense être le plus proche de la vérité. Et ce parmi les gens de science en qui il a confiance concernant sa science, sa religiosité et sa piété. Et s'il fait cela, il ne sera pas un muqallid, il ne sera pas un suiveur aveugle, mais il sera un muttabi'. Car en réalité, comme on a dit, il a suivi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à celui qui ne sait pas. Donc le fait de suivre les ancêtres, ou de suivre les chouyours, ou de suivre les gens du pays, sans regarder parmi leurs avis, parmi leurs paroles et leurs œuvres, ce qui est conforme à la vérité, ou ce qui ne l'est pas, ceci est ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliyyah. Il n'est pas permis de suivre aveuglément nos ancêtres, ou de suivre aveuglément certains chouyours, ou de suivre aveuglément les gens de ton pays, sans regarder si ce sur quoi ils sont est conforme à la vérité. Car faire cela correspond exactement à ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliyyah. Ils acceptaient seulement ce qui venait de leurs ancêtres, et ils rejetaient tout le reste, sans regarder qu'est-ce qui est basé sur les preuves, qu'est-ce qui est conforme au texte, qu'est-ce qui s'oppose au texte. Ceci est le taqlid qui nous est interdit. Et il se peut qu'une personne vienne et nous dise, mais vous, oh les gens de la Sunna, n'appelez-vous pas les gens à suivre les premières générations en leur imposant de suivre les textes du Coran et de la Sunna selon leur compréhension? Donc quelqu'un pourrait dire, quelle est la différence entre cela, entre ce à quoi appellent les gens de la Sunna, à revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliyyah? La réponse, elle est très simple. C'est que le taqlid, s'il est dans le bien, alors c'est une chose louable. Et en réalité, dans ce cas-là, il ne s'appelle pas taqlid, comme on l'a dit, mais il s'appelle ittiba. Et ceci est ce qui est venu dans les textes du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Yusuf alayhi salam, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Donc on voit qu'il a suivi la religion de ses ancêtres. Mais la religion de ses ancêtres, elle était conforme à la vérité ou non? Elle était conforme à la vérité. Ses ancêtres étaient des prophètes, parmi les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, au verset 100 de sourate At-Tawbah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée et il l'agrée. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ici dans ce verset, les éloges de ceux qui ont suivi les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les ansars. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué cela dans de nombreux hadiths. En effet, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Il nous a annoncé aussi dans un autre hadith que sa communauté allait se diviser, de la même manière que les juifs et les chrétiens s'étaient divisés en plusieurs sectes. Il a dit, ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront au feu, sauf un seul groupe. Il a été interrogé au sujet de ce groupe, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, ce sont ceux qui sont sur ce quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, il nous a appelés à revenir à leur compréhension, à revenir sur ce quoi ils étaient. Et il dit dans le hadith de l'Irbad, radiyallahu ta'ala anhu, celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc on voit à travers ces textes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont indiqué la nécessité de revenir à la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhum des textes du Coran et de la sunna. Et ceci s'oppose totalement à ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya qui suivaient leurs ancêtres dans le faux, sans regarder ce qui est conforme aux preuves et ce qui ne l'est pas. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné trois versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Le premier, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 21 de sourate Luqman. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce ainsi même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que les gens de la Jahiliya, lorsqu'on les appelait à suivre ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, ils disaient qu'ils préféraient rester sur ce sur quoi ils avaient trouvé leurs ancêtres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, est-ce ainsi même si le diable les appelait, c'est-à-dire avait appelé vos ancêtres, au châtiment de la fournaise? Est-ce que vous les aurez suivis aussi? Si le diable les avait égarés du droit chemin, est-ce que vous suivrez aussi vos ancêtres? Il n'y a pas de doute que la réponse, pour toute personne douée de raison, est bien sûr que non, je ne vais pas les suivre dans les fours. Toutefois eux, ils ne faisaient pas cette distinction. Et ils restaient sur la religion de leurs ancêtres. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, « فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ » Et il est venu à eux, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à eux avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, suivante. « قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةً » Dis, c'est-à-dire ô Muhammad, je vous exhorte seulement à une chose. Une seule chose. Que vous vous leviez pour Allah par deux ou individuellement, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement possédé. Ce verset, c'est un verset immense. Et ici, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a rappelé ce verset s'adressant à toute personne qui rejette la vérité en suivant aveuglément ses ancêtres ou ses chouyours ou autres dans le faux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens rapproché, dit, ô Muhammad, à ces gens qui te renient, te traitent de menteur, refusent la vérité que tu as amenée et te dénigrent. Je vous exhorte seulement à une seule chose. C'est-à-dire, je ne vous appelle pas à suivre ma parole et à délaisser la vôtre, sans aucune preuve, appelant à cela. Mais je vous exhorte à ce que vous vous leviez pour Allah. C'est-à-dire, non pas par fanatisme, par suivi des passions ou sanctification des ancêtres ou des chouyours, mais que vous vous leviez pour Allah, par deux ou individuellement. Vous vous réunissez sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala pour rechercher la vérité. Soit en groupe, vous échangez à ce sujet, soit de manière individuelle, et chacun réfléchit en soi-même, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demande ici dans ce verset de réfléchir de manière objective. Est-ce que ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est réellement possédé? A-t-il les caractéristiques de quelqu'un de possédé? Est-ce que son apparence, son comportement, son apparence et le comportement de quelqu'un de possédé? Réfléchissez de manière objective. Et si vous faites cela, que vous acceptez cette exhortation, alors vous verrez qu'il est réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'est pas possédé. Et telle est la manière d'agir que doit adopter toute personne qui recherche réellement la vérité. Il doit réfléchir de manière objective. Qu'est-ce que je reproche à mes opposants? Est-ce que réellement, ceux-là sont sur le faux? Aujourd'hui, on voit des gens, ils dénigrent certains parmi les gens de science ou des étudiants en science, en leur lançant des sobriquets ou en lançant à leur encontre de nombreuses accusations, qui pour la plupart sont souvent dénuées de preuves. Quoi qu'il en soit, nous disons à ces personnes, levez-vous pour Allah, en groupe ou individuellement, et réfléchissez. Est-ce que réellement ces gens que vous accusez, ils sont tels que vous les décrivez? Est-ce que ce par quoi vous les décrivez correspond réellement à leur situation? Réfléchissez de manière objective. Et que le fanatisme et le suivi aveugle ne vous poussent pas à délaisser la vérité et à mépriser les gens de la vérité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, mentionnant un dernier verset à ce sujet, « وَقَوْلِهِ تَعَالَى اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ » Suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, c'est-à-dire ne prenez pas d'autres alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant leur passion au détriment de la vérité. Mais vous vous souvenez peu. C'est-à-dire que si vous vous rappeliez, vous aurez suivi ce qui est profitable et ce qui est bénéfique, au lieu de suivre aveuglément ce qui est nuisible. C'est-à-dire que vous aurez suivi la vérité et vous ne l'auriez pas délaissé pour le suivi aveugle des ancêtres ou des chouyours ou des gens du pays ou autres parmi les choses et les personnes que les gens suivent aveuglément. Wallahu al-musta'an. Nous avons donc terminé avec ce précepte et on va passer au cinquième, Inch'Allah ta'ala, qui concerne un autre point important qui est malheureusement encore répandu au sein de la communauté aujourd'hui chez certains parmi les musulmans. Il dit donc, rahimahullah, al-mas'alatu al-khamisa. أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربة وقلة أهله. Il dit le cinquième précepte, c'est qu'il fait partie de leur plus grande règle, le fait de se laisser leurrer par le grand nombre. Ils prennent cela comme argument de la véracité d'une chose et ils démontrent la fausseté d'une chose en mentionnant l'étrangeté de ses adeptes ou leur petit nombre. فَأَتَاهُمْ بِالْضِدِّ ذَلِكِ وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ. Il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le contraire de cela, et cela est clarifié dans plus un des versets du Coran, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya, qu'ils argumentaient en prenant le grand nombre comme une preuve de vérité. Et ils prenaient le petit nombre comme une preuve de fausseté. Ce sur quoi était la majorité des gens, ils considéraient que cela est vérité. Et ce sur quoi était une minorité de gens, ils considéraient que cela était faux. Telle était leur manière d'évaluer les choses. C'est ainsi qu'ils dissocient entre la vérité et le faux. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur évidente. Et l'islam est venu annuler cette règle erronée, qui est une règle corrompue, s'opposant à la vérité et à la réalité des choses. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala « وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » Toutefois, la majorité des gens ne savent pas. Ainsi que de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre que le grand nombre n'est pas forcément synonyme de vérité. Donc comment doit-on évaluer les choses afin de distinguer entre le faux et la vérité? On sait maintenant que la vérité, on ne la connaît pas par le grand nombre de suiveurs et qu'on ne connaît pas le faux par le petit nombre de suiveurs. Mais ce qui est pris en considération et ce par quoi on doit évaluer les choses, c'est la conformité aux textes, les textes du Coran et de la Sunna. On revient toujours à cette même base. La vérité, tu la connais comment? En regardant ce qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna. Comment tu reconnais les gens de la vérité? En regardant qui parmi eux, les paroles et les œuvres sont conformes au texte du Coran et de la Sunna. Donc quiconque est en accord avec la vérité, est en accord avec les textes du Coran et de la Sunna, c'est celui-là qui est sur la vérité. Même s'il est seul, même s'il n'a pas de suiveur, c'est celui-là qu'il nous incombe de suivre. Et si un grand nombre de personnes est sur le faux, et sur une chose s'opposant au texte du Coran et de la Sunna, Alors il est obligatoire pour nous de rejeter cela et de ne pas se laisser leurrer par le grand nombre. Ce principe de la jahiliya, il est encore utilisé aujourd'hui par certaines personnes s'affiliant à l'islam. Combien de musulmans, lorsqu'ils veulent savoir, par exemple, si un prédicateur est bon à écouter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur ses comptes sur les réseaux sociaux, son compte Facebook ou sa chaîne YouTube. Ils regardent le nombre d'abonnés. Ah, celui-ci, il a 20 000 abonnés, il doit être bon, Inch'Allah. Ah, celui-ci, s'il était sur le faux, il n'aurait pas 100 000 personnes qui le suivraient. Ceci est la règle erronée sur laquelle étaient les gens de la Jahiliya. Ce n'est pas comme cela que tu dois évaluer les choses. Ne vois-tu pas les gens du faux, parmi les têtes de la mécréance ou du polythéisme, avoir des milliers, voire des millions de suiveurs? Regarde les chanteurs, les acteurs ou autres parmi les gens de la corruption et du faux. Combien de suiveurs ont-ils? Cela signifie-t-il qu'ils sont sur la vérité? La réponse est non, bien évidemment. Ce n'est pas comme cela que l'on évalue les choses. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'une personne a peu de suiveurs qu'il est forcément sur le faux. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans son livre qu'il est possible qu'une minorité de gens soit sur la vérité. Comme il nous a dit, au sujet des suiveurs de Nuh, alayhi salam, wama amana ma'ahu illa qalil, et seul un petit nombre ont cru avec lui, alayhi salam. Et dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'on lui a exposé les communautés comme elles viendraient au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement avoir vu un prophète venir avec un petit groupe de personnes, moins de 10. Un prophète qui vient avec un ou deux hommes, et un prophète qui ne vient avec personne. Il n'a eu aucun suiveur. Est-ce que ça veut dire qu'il était sur le faux? Abadan, en aucun cas. Tous les prophètes, alayhimu salatu wa salam, sont venus avec le même message. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Tel était le message de l'ensemble des prophètes, alayhimu salatu wa salam, du premier jusqu'au dernier. Pourtant, on voit que ce prophète, il n'a eu aucun suiveur. L'autre n'a eu que un ou deux suiveurs. Pourtant, ils étaient sur la vérité. Alayhimu salatu wa salam. Donc le petit nombre de suiveurs, ce n'est pas une chose qui est méprisable pour la personne. Et ce n'est pas un signe de mal ou de fausseté. Car ce qui est pris en considération, ce n'est pas le grand nombre de personnes qui suivent une école, ou qui suivent un avis, ou qui suivent une personne. Mais ce qui est pris en considération, c'est est-ce que cette personne, ou cet avis, ou cette école est conforme à la vérité. Au texte du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ce qui est conforme à la vérité, même s'il n'y a que très peu de gens qui le suivent, alors il est obligatoire pour nous de nous y cramponner, car ceci est le chemin qui mène au salut par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le faux, le fait que ses suiveurs soient nombreux, même s'ils sont des millions, ceci ne leur profite en rien. À partir du moment où ils s'opposent au Coran et à la Sunna, le fait d'avoir des centaines, des milliers ou même des millions de personnes autour de soi ne sera d'aucun profit à cette personne. Et on voit qu'aujourd'hui, certaines personnes sont tombées dans cette caractéristique blâmable, qui est le fait de se laisser leurrer par le grand nombre. On a vu à notre époque des gens affiliés à la sunna, même des gens affiliés à la science et à la prédication, prendre pour argument le nombre de suiveurs. Comme l'a fait l'un d'eux, parmi les partisans de la division, qui a laissé ses suiveurs propager des photos de lui avec une foule en train de le suivre. Puis tu le vois s'exclamer et dire: est-ce que si j'étais un menteur, tous ces gens se seraient réunis autour de moi? Allahu Akbar. Un précepte parmi les préceptes de la Jahiliya. Depuis quand le nombre de personnes qui suivent un homme sont une preuve qu'il serait sur la vérité? Et les gens du faux ne cessent de tenter d'utiliser cet argument pour attirer les gens à les suivre dans le faux. Ils se prennent en photo en foule devant telle ou telle personne, dans tel ou tel endroit. Ils prennent cela comme un argument qu'ils sont sur la vérité. Mais cela ne leur en est en aucun cas profitable. À partir du moment où la personne s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, qu'elle s'oppose à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, sur une question parmi les questions religieuses, même si l'ensemble des gens de son pays le suivent, alors ceci ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est pris en considération, c'est la conformité au texte du Coran et de la Sunna. Et c'est ainsi que le musulman doit sans cesse évaluer les choses. Il regarde qu'est-ce qui est conforme à la vérité selon les preuves. Et de la même manière, le musulman, il ne doit pas s'attrister du peu de personnes qui suivent la vérité. À partir du moment où tu sais que ce sur quoi tu es est la vérité, que tu as connu cette vérité avec ses preuves, même si tu es seul, que personne ne met en pratique cela, tu ne dois pas le délaisser sous prétexte que les gens du faux sont nombreux. Tu dois t'accrocher à ta religion, t'accrocher aux préceptes de ta religion, même si les gens autour de toi s'opposent à cela. À partir du moment où tu as certitude que le chemin que tu as emprunté est le chemin de vérité, le chemin qui te mène par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, le chemin qui te permet d'obtenir l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, en te cramponnant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en obéissant aux ordres d'Allah, en délaissant les interdits d'Allah, à partir du moment où tu es sur ce chemin, sache que tu as emprunté le chemin du salut, même si les gens qui sont avec toi sur ce chemin sont une minorité. Et ne te laisse pas leurrer par le grand nombre de personnes qui sont dans le faux, qui sont dans les innovations, qui sont dans l'égarement, dans les passions, ou pire encore, dans la mécréance et le polythéisme. Ceci ne doit en aucun cas te faire délaisser un des principes établis dans ta religion. Mais tu restes ferme sur ta religion. Et médite à ce sujet sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange comme il a commencé. Fatouba lil ghuraba. Donc, annoncez la bonne nouvelle aux étrangers qu'ils auront touba. Et touba, il était mentionné dans des hadiths que c'est un arbre parmi les arbres du paradis, dont l'ombre est tellement grande qu'il est possible à la personne de voyager sur sa monture en restant sous son ombre durant un siècle. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il annonce cela pour les ghuraba, ceux qui seront étranges au milieu des gens. Ils lui ont demandé alors, qui sont-ils au messager d'Allah? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui réforment lorsque les gens se corrompent. Dans une autre version, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre narration, et c'est celle-ci qui est importante pour nous ici, ce sont des gens vertueux qui sont peu au milieu d'un grand nombre de gens mauvais. Et ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Subhanallah. On a un texte très clair de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous annonce cela. Que les gens de la vérité, al-ghuraba, ceux qui s'accrochent à l'islam authentique, ils seront peu des gens vertueux au milieu d'un grand nombre de gens mauvais. Et ce, lorsque le mal, les fitanes, l'égarement, la mécréance, le polythéisme se répandent au sein des sociétés. Alors ne reste sur la vérité qu'un petit nombre de gens qui sont étranges au milieu de leur société. Ils sont vus comme des étrangers. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été envoyé. Il a été envoyé à des gens qui étaient plongés dans la mécréance, le polythéisme et toute forme d'égarement. Il les a alors appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans aucun associé. Puis ont commencé à répondre à son appel un petit nombre parmi les gens. Ils étaient un petit groupe de croyants. Puis ensuite, leur nombre a grandi petit à petit avec les années et l'appel de l'islam s'est propagé à travers le monde. Aujourd'hui, si tu regardes la situation des gens de la Sunna, tu le verras qu'ils sont peu dans bien nombre de pays. Et c'est pour cela qu'ils vivent ce qui est mentionné dans ce hadith. Ils ressentent cette étrangeté. Et au vu de cette étrangeté, il convient aux gens de la Sunna de faire preuve de miséricorde entre eux, de faire preuve de douceur entre eux, comme il est venu dans la parole de l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, qui a dit « Veuillez le bien pour les gens de la Sunna, car ce sont des étrangers. » Et al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit « Ô gens de la Sunna, soyez doux les uns envers les autres, qu'Allah vous fasse miséricorde, car vous êtes une minorité parmi les gens. » Subhanallah. Des recommandations qui ne demandent qu'à être mises en pratique. Et c'est sur ces recommandations que cheminent nos savants, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde et préserve les vivants parmi eux. Ils cheminent jusqu'à nos jours. Regardez l'imam, le grand savant, Rabi' ibn Hadi, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Il ne manque pas une occasion ou une opportunité pour rappeler aux gens de la Sunna cette chose importante qui est le fait de se faire miséricorde les uns les autres, de rester unis sur la vérité, de s'écarter des causes de division, de s'accrocher tous ensemble Au livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à la concorde, à l'union, et il rejette toute forme de division. Tel est l'appel de nos savants, hafidhahumullah ta'ala. Ce qu'il faut retenir de cette question, c'est qu'il est obligatoire pour nous de ne pas prendre en considération le nombre de suiveurs pour savoir qui est sur la vérité ou qui est sur le faux. Car ceci est la voie des gens de la jahiliya et c'est une voie corrompue. Mais ce que nous prenons en considération, ce sont les preuves de la vérité. Celles qui sont mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si ceux qui les suivent sont peu nombreux, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ » et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on continuera demain la lecture de cet épître. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.